Écoute. Celle-là, c'est la dernière. Ce texte, je l'ai déjà posé. Dur de réaliser. La troisième, c'est la bonne. La troisième, c'est la bonne. Dur de réaliser. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir, c'est dur de réaliser. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir. On vit dans une époque où y'a que la haine qui est réciproque. Les gens s'entupent pour quelques billets. Quelques ronds, on finit tous en steupole. Moi je veux juste briller. Tôt ou tard, on finit tous par prier. La haine, oui ça, j'ai un coup de mitraillette. Que tous les faux frères aillent se vermettre. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la mettre et de voir crever en enfer. Mais moi je veux juste m'en sortir et y arriver par moi-même. Tu te retrouves le souffle coupé de voir comme je manie les mots. Tout en détournant, hier la vérité, j'ai juré. Tout ce que j'ai enduré, je ne souhaite à personne. Que le diable m'emporte, j'entends déjà qui sonne à ma porte. Sur ce beat mélancolique, j'ai livré mes lyrics et dévoilé mes pensées les plus cyniques. Et ces versets sont suivis d'un clic-clic. Black, crack, ma clique, j'en place une pour Seven et ta carte. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir, c'est dur de réaliser. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir. Moi je m'en bats, QCPD croit me tenir en laisse. Moi je fais juste quelques business pour ne pas tomber en S. Mais j'ai 6 millions de raisons de perdre la mienne. Frérot, comme je l'ai dit, moi je me suis toujours fier à moi-même. La vengeance est un plat qui se mange pas dans ce cas. Je connais pas la chaleur, pas le temps pour les pleurs. Moi j'utilise ma plume pour évacuer ma rancœur à tous mes frères et sœurs. Ne pleurez pas, car la vie est un long combat. Car aujourd'hui la mort triomphe de la foi. Mais c'est dur ça, mais c'est pourquoi on se réfugie dans la drogue, l'alcool ou entre deux tarfs. On rêve d'un palace au Bahamas et qu'on pilote un AMG qui laisse sa trace. Et ouais, sauf qu'en vérité on vit dans l'amertume, la haine du bitume. Des frères qui s'enduent par manque de tuf. Tout ça pour être dans de bêtes de voitures, pour pouvoir se la raconter et faire la grosse peinture. Dur de réaliser, le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y croire. Quand tu t'es plongé dans le noir, c'est dur de réaliser. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir, c'est dur d'y voir. Quand tu t'es plongé dans le noir, quand tu t'es plongé dans le noir, quand tu t'es plongé dans le noir. Quand tout est plongé dans le noir, c'est dur de réaliser. Réaliser, c'est dur de réaliser. Cousin, dur de réaliser. Cousin, dur de réaliser. Cousin, dur de réaliser. C'est dur de réaliser. Dur de réaliser. C'est dur de réaliser. Le temps qui passe, c'est dur de réaliser. Les soucis qui s'installent, c'est dur d'y croire. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dur d'y voir. Quand tout est plongé dans le noir. Quand tout est plongé dans le noir. Ok. C'est la dernière. C'est la dernière. Merci tout particulièrement ma famille, les amis, ceux que je connais même pas qui m'écoutent, qui soutiennent depuis le début. T'as vu, j'ai progressé. Je remercie ceux qui ont fait des featuring avec moi, qui m'ont fait avancer dans le rap. La page Facebook LCC 95. Ok.